L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Troisième épisode. J'avais 60 ans, j'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme oubliée dans un restaurant, et maintenant le beau-père de Linda, ma fille, Hakan von Henke, officier de marine à la retraite. Je décidais d'aider la police de Stockholm à enquêter sur cette disparition. Après tout, il s'agissait de quelqu'un de ma famille, même si je ne le connaissais pas. Et lorsque le commissaire Itterberg, chargé de l'enquête, m'appela pour me dire qu'ils avaient trouvé un cadavre carbonisé, je décidai de le rejoindre sur le champ à l'Institut médico-légal pour essayer d'en savoir plus. Rien ne ressemble plus à une morgue qu'une autre morgue. Stockholm ne faisait pas exception. Du gris, du froid et des morts. Commissaire Itterberg ? Commissaire Wallander, bonjour. Je vous attendais. Alors, ils en sont où ? Oh, il n'y a plus grand-chose à voir. On ne dit rien à sa femme tant qu'on n'est pas sûr de l'identification. Mais je ne vais pas pouvoir vous aider, j'ai encore jamais rencontré von Henke. Ça fait 2 ans que ma fille est avec son fils, mais... Enfin bref, si elle était là, elle vous ferait 2 chapitres pas très élogieux sur ma façon de gérer les priorités. Après vous... Navré si vous rencontrez votre beau-père de cette façon. Le corps est celui d'un homme de type caucasien, 1m77, 69 kg. Les yeux sont bleus, sans voile cornéen ni petit chi. L'examen superficiel montre de nombreuses nécroses sur toute la surface du corps, consécutives à des brûlures au 3e degré. La rigidité cadavérique a disparu. Aucune lividité visible. Père, beau-père, grand-père, rien de tout ça n'était vraiment ma spécialité. Après les analyses du légiste et beaucoup de café, le jour s'était levé sur la certitude que l'homme était mort d'un coup violent à la tête. On n'avançait pas et je ne pouvais pas continuer à ignorer les appels de Linda plus longtemps. Pour lui dire quoi ? Que le cadavre soit celui de von Henke ou non, je crois qu'on peut être sûr qu'il est arrivé quelque chose de grave maintenant. Il s'est écoulé trop de temps depuis la disparition pour envisager autre chose que la piste criminelle. Mais je vous avoue, Wallander, que si le corps n'est pas celui de Hakan, je ne sais même pas dans quelle direction chercher. Mais c'est quand même incroyable, on ne peut pas disparaître comme ça dans un bois fréquenté. Comment ça se fait que personne n'ait rien vu ? À mon avis, von Henke n'est jamais allé dans ce bois. Soit il a été attaqué ou enlevé avant d'y arriver, soit ce matin-là, il a décidé de pas y aller. Vu l'absence de témoins, je dirais que c'est l'hypothèse la plus plausible. Il est parti de son plein gré. La famille ne veut jamais l'entendre, mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Mais à ce point-là, quand même, disparaître sans laisser aucune trace... Il y a un truc qu'il faut que je vous dise. J'ai eu des coups de fil des services de renseignement. Les services secrets vous ont appelé ? Ils m'ont même collé un gars dans les pattes. Hakan est un ex-militaire de haut rang et les renseignements nourrissent toujours l'espoir de mettre la main sur un espion. Il y a des soupçons contre lui ? Non, bien sûr que non, mais ils sont comme tout le monde. Il faut bien qu'ils justifient leur budget. Son ami Sten Nordlander m'a parlé d'une vieille histoire pendant la guerre froide. ils auraient été obligés de laisser filer un sous-marin étranger qui croisait dans des zones de haute sécurité. Vous croyez que les services secrets ont des infos qu'ils ne nous donnent pas ? Je crois même que c'est leur passe-temps favori. Je leur ai demandé, figurez-vous, mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils avaient spécialement envie de me donner une réponse. En tout cas, moi, j'ai cherché de mon côté. Et Håkan von Hanke est un militaire suédois irréprochable. Il a gravi les échelons à toute allure. Et puis, un jour, ça s'est un peu ralenti, on va dire. Peut-être justement parce qu'il mettait son nez dans cette histoire de sous-marin. En tout cas, sans avoir une grande connaissance en la matière, cramer un type dans un cabanon ne me fait pas vraiment penser aux méthodes des services secrets. Je dois y retourner. Je vous appelle, dès que j'ai du neuf. Vous restez encore combien de temps ? Je repars tout à l'heure, c'est pas vraiment pour moi ici. Je vous comprends, moi aussi, mon chez-moi me manque. Ça vous ennuie si on se tutoie ? J'allais te le proposer. À très bientôt. Valander à l'appareil. Ça me fait toujours quelque chose quand je t'entends dire ça. C'est quoi ce numéro ? J'ai perdu mon téléphone, j'en ai un nouveau. Ah mais c'est pour ça que j'arrivais pas à te joindre. J'ai laissé deux messages à ton hôtel. Y a du nouveau ? Non, rien du tout. Et vous, ça va ? Bah écoute, Hans tient le coup, ou en tout cas il fait bien semblant. Mais Clara doit sentir qu'il y a quelque chose de bizarre, elle dort moins bien ces temps-ci. Tu rentres quand ? Cette nuit, j'ai un train en fin d'après-midi. Tu veux que je vienne te chercher ? Non, merci, j'ai laissé ma voiture à la gare d'Istat. Bon, on a fait développer les photos des 75 ans de Håkan. Ah. On fait des agrandissements, faut qu'on les regarde ensemble, on verra peut-être quelque chose. Ah, ok, ok. À demain ? Ouais, rentre bien. Un parking, une supérette, le pont de Tannberg, une petite rue à gauche et mon hôtel. Et un vieil homme en uniforme américain devant. La capitale est décidément pleine de surprises. Monsieur Wallander ? Vous êtes bien, Monsieur Wallander ? Oui. Steve Atkins, je suis venu aussi vite que j'ai pu. On l'a retrouvé ? Non, je suis désolé. Ça explique pourquoi vous n'étiez pas chez vous, j'ai essayé de vous appeler. J'arrive tout juste de Californie. Je connais un endroit où ils font un très bon café et un excellent millefeuille. Bon, allons-y. Bonjour Mathilda. On peut se mettre au fond comme d'habitude ? Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, c'est sympa. Fatigué ? Un tout petit peu. Vous savez, je suis très inquiet. Håkan n'est pas du genre à disparaître comme ça. Et quand je lui ai parlé pour la dernière fois... Il y a une semaine, c'est ça ? Ouais, exactement. La veille de sa disparition. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit « Je suis parvenu à une conclusion ». Quelle conclusion, selon vous ? Je n'en ai aucune idée. Je vais être franc avec vous, Atkins. On n'a plus le temps de tourner autour du pot. Sten Nordlander m'a parlé de cette histoire avec le sous-marin en 1982. Est-ce que vous pensez que Håkan pourrait être mêlé à des affaires d'espionnage ? Je ne crois pas que lui était directement mêlé. Il était furieux après cet épisode. Il disait que c'était de la trahison et qu'il n'aurait jamais dû obéir aux ordres. Il était persuadé qu'il y avait quelque chose à bord de ce sous-marin, quelque chose ou quelqu'un sur lequel les autorités suédoises ne voulaient pas mettre la main. Comment ça ? À quoi aurait ressemblé votre armée si on avait trouvé un officier suédois à bord d'un sous-marin russe ? Pour lui, quelqu'un avait trahi. Et il ne s'est pas caché de le faire savoir. Il est même allé voir de lui-même le premier ministre de l'époque. Sérieusement ? Apparemment, le ministre l'a écouté poliment. Puis, il lui a dit qu'une discussion où venaient à sortir les mots « trahison » et « scandale militaro-politique » devait avoir lieu dans un autre cadre que celui d'un entretien particulier. Et leur échange s'est arrêté là. Ce jour-là, Håkan a franchi la ligne rouge en termes de loyauté vis-à-vis de son employeur, c'est-à-dire l'armée. Sa carrière n'a plus été la même. Hakan était soulagé que le Premier ministre l'ait écouté. Il pensait que quelque chose allait se passer et qu'il exigerait de son ministre de la Défense et de son chef d'état-major la vérité. Mais rien. Il ne s'est rien passé. Je sais qu'Hakan n'a jamais cessé de fouiller depuis 25 ans. Il m'a parlé plusieurs fois d'un journal dans lequel il compilait toutes ses notes. Vous n'avez rien retrouvé ? Non. Pourtant, j'ai passé son bureau au peigne fin. Il n'y avait ni coffre, ni cachette, ni journal. Pensez-vous que Louise aurait pu le cacher ? Non. Elle n'est pas au courant. Louise ne mettait pas le nez dans les affaires de son mari et Hakan l'a protégée de tout ça. Et maintenant, il est mort. Quelqu'un l'a tué. Comment pouvez-vous être si sûr de ça ? Comment pouvez-vous en douter ? Mais bon sang, l'Union soviétique n'existe même plus. Qu'est-ce qui pourrait être encore dangereux après tant d'années ? Nous croyons que tout cela a disparu. Mais les comédiens sont juste allés changer de costume en coulisses. Le répertoire a changé, mais la scène reste la même. Excuse-moi. Je m'excuse, mais je suis très fatigué avec le décalage horaire. Je vais rentrer me reposer quelques heures à mon hôtel. Bien sûr. Je vous souhaite un bon séjour. On ne se reverra pas ? J'ai un train dans 2 heures. Vous ne pouvez pas prendre le train dans 2 heures, cher ami. Ah non ? J'ai fait 6 000 kilomètres. Vous allez bien rester dîner avec moi. En quittant le café de Mathilda, je ne pouvais m'empêcher de penser à une chose qui donnait une résonance particulière au mot d'Atkins. La veille de sa disparition, Hakan n'avait pas appelé Northlander ni son fils. Il avait appelé Atkins pour lui dire qu'il était parvenu à une conclusion. Tout ça était forcément lié. Il avait vu juste dans sa conclusion et on avait voulu le faire taire. J'ai changé mon billet de train et éteint mon téléphone. Linda détestait que je lui pose des lapins. Je suis retourné voir si le journal de Hakan ne referait pas surface, maintenant que je savais que je le cherchais. Bonjour. Bonjour, je suis Kurt Wallander, le père de Linda. Je suis un ami de Louise von Henke. Elle n'est pas là ? Vous la manquez de peu, elle vient de sortir faire une course. Elle reste rarement quand je viens faire le ménage. Elle m'a chargé de récupérer des papiers dans le bureau de Hakan. Ça vous ennuie si je... Je ne crois pas que je puisse vous laisser entrer comme ça. Attendez, je vais lui passer un coup de fil. Mais je vous en prie. Elle ne répond pas. Appelez son fils, Hans. C'est le compagnon de ma fille. Il vous dira qui je suis. Non, c'est bon, allez-y. Je suis désolée avec ce qui s'est passé. Mais non, au contraire, vous avez raison. S'il vous plaît ? Oui ? Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez fait le ménage dans le bureau ? Ah non, Madame von Henkel m'a dit de ne toucher à rien, je n'ai touché à rien. Alors, qui a allumé la petite lampe ? Ah, c'est moi, oui. C'est vrai, c'est un réflexe. Pardonnez-moi. L'habitude. Monsieur von Henkel ne l'éteint jamais. Lorsqu'elle est éteinte, il faut la rallumer. Il ne l'éteint jamais ? Il a peur du noir. Ça lui est venu à bord des sous-marins. Il trouve ça gênant. J'ai pas le droit d'en parler. Je vois. Merci. Il n'y avait rien ici. Pas d'autre secret que la peur du noir d'un homme qui disparaissait de plus en plus sous la surface. Je suis venu en 79 à Stockholm avec mon ex-femme. Elle trouvait que c'était carrément un crime de ne pas connaître la capitale. On avait loué une voiture et on avait fait le pari de visiter toutes les îles sans emprunter 2 fois le même pont. C'était il y a bien longtemps. Et vous, monsieur Atkins, vous connaissez bien Stockholm ? C'est la première fois que je viens. Hakan m'a invité souvent à venir voir vos archipels. Il était fasciné par les îles. Il collectionnait les pierres qu'il trouvait sur les plages. Quand on passe sa vie sous la surface, il est bien naturel de s'accrocher aux rives, n'est-ce pas ? Mais je n'avais jamais trouvé le temps de venir. C'est toujours quand il est trop tard qu'on se rend dans les endroits importants. Vous n'étiez jamais venu en Suède ? Mais alors, Où vous êtes-vous rencontré avec Hakan ? À Berlin, en août 1961. J'étais parti avec mon père. Il voulait me montrer Berlin, notre bastion occidental au cœur du bloc soviétique. Un soir, nous avons été pris dans un attroupement. Des soldats est-allemands déroulaient du barbelé et montaient une barricade. À côté de moi, il y avait un type de mon âge en uniforme qui observait la scène et qui comprenait exactement comme moi ce qui était en train de se passer. Je suis allé le saluer et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Ce soir-là, nous avons compris que nous avions tous les deux une mission, veiller à ce que d'autres pays ne finissent pas derrière des murs. Hakan avait 28 ans et moi 27. Vous ne vous êtes jamais revus ? Oh, bien sûr que si. Lui venait en moyenne tous les 3 ans. Elle adorait les États-Unis. Louise ne vous l'a pas dit ? Elle accompagnait toujours. Il venait au moins 3 semaines. Vous savez que leur fils Hans travaille à Copenhague ? Oui, je dois aller le voir très... Excusez-moi. Itterberg ? Wallander, nous avons l'identité du cadavre de la cabane de chantier. Alors ? Ce n'est pas Hakan. Tu en es sûr ? Certain, c'est un contremaître à la retraite. Il devait se faire du rab à son compte. J'imagine que c'est une bonne nouvelle. Merci de ton appel. Excusez-moi. Vous savez, Hakan et moi sommes des enfants de la guerre froide. J'avais 23 ans quand les Russes ont lancé leur Spoutnik. J'étais terrifié. Cette époque nous a marqués. Je sais qu'il n'a jamais accepté que la Suède n'intègre pas à l'OTAN. Pour lui, votre neutralité était une dangereuse erreur de jugement doublée d'une pure hypocrisie. Nous étions dans le même camp. Il rêvait que l'on démasque un espion pro-russe au sein de l'armée. Le peuple suédois aurait compris. Les Russes infiltraient tout ce qu'avait pu construire la défense suédoise. Les taupes étaient partout. Seul un ralliement à l'OTAN aurait pu vous sauver si les Russes étaient passés à l'attaque. Mais ça n'est pas arrivé. Mais ça n'est pas arrivé. Cheers. J'avais toujours aimé les paysages des plaines de la Scanie. Je me remémorais les après-midi à l'école. Le bruit de la balle contre le mur, l'odeur de la craie mêlée au bois et à la colle. Bonjour ma chérie. La peur que j'ai eue. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, qu'est-ce que je fais là ? À ton avis ? Ta voiture est pas là, je pensais que t'étais encore à Stockholm. T'es rentrée comment ? Bah, comment ça, elle est pas là ? Que ton père ? Monsieur Wallander, il est inutile de s'alarmer. Papa ? Papa, tu m'entends ? Assieds-toi. Je vais te chercher un verre d'eau. Je venais juste déposer un jeu de photos dans ta boîte aux lettres et ta voiture n'était pas là, alors j'ai cru que t'avais oublié d'éteindre la lumière. Mais quand est-ce que t'es arrivé ? Tiens, bois. Merci. Ma voiture. Et tu m'as dit que tu l'avais laissée à la gare. Oui, j'ai dû la laisser à la gare. T'as trouvé quelque chose ? Je crois qu'il est mort. Hakan ? Mais arrête ! Hans refuse de le croire et moi aussi d'ailleurs. Je suis persuadée qu'il est encore en vie. Attends, bouge pas. Ah bah tiens, quand on parle du loup, c'est Itterberg. Wallander à l'appareil. Courte, il y a un problème. Ma fille est là et on est sur haut-parleur. Je te rappelle que je suis flic moi aussi. Bonjour, commissaire. Bonjour, Linda. Courte, maintenant Louise ? Elle est introuvable. C'était « L'homme inquiet » de Henning Mankell. Traduction, Anna Gibson. Adaptation, Claire Luluerne. Troisième épisode, avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Jean-Gabriel Nordmann, le commissaire Etterberg, Jacques Leplus, le médecin légiste, Alan Wenger, Steve Atkins, Sophie Gubry, la femme de ménage des Von Henke. Michel Baladi, le chauffeur de taxi. Mélanie Bestel, l'hôtesse de gare. Et Natacha Mendes, Fanny Marie, Lucas Enaf, Jean-Luc Vincent, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain. Thank you.